Bon, deuxième sujet, la manipulation des forces. Si je vous dis que la principale manipulation des forces, parce que quand on pense manipulation, on pense caché à l'œil, OK? Donc, la principale manipulation des forces, ce que Bernard appelait le fameux mensonge cosmique, c'est simple comme de l'eau de roche, c'est le fait qu'on ne vous le dit pas à naissance, que ce n'est pas vous autres qui pensez. Si on ne dit pas quelque chose, tu peux faire bien des affaires. Mais si on te dirait, jeune, c'est pas toi qui penses, mon fils, et là, tu saurais que toutes les pensées que tu as, c'est des pensées qui sont orbitales à ta vie et que c'est pas tes pensées. J'avais déjà pensé faire un livre pour le grand public, puis passer à la radio avec ma science, votre science, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, les forces. Puis je dis, comment je pourrais présenter ça? Puis là, les forces, ils ont dit, comme nous autres. Comment ça, comme vous autres? Ils disent, nous autres, on ne dit pas aux gens que ce n'est pas eux autres qui pensent. On peut les manipuler à volonté parce qu'ils ne savent pas que c'est eux autres, que ce n'est pas eux autres qui pensent. Ah ouais. Fait que je suis allé vers la radio, ça va passer comme un biscuit soda. Si je ne lui dis pas que ce n'est pas eux autres qui pensent, mais je lui fais voir subtilement que ce n'est pas eux autres qui pensent. Ouais. Ils disent, on va t'aider là-dedans. Si tu veux jamais y aller à un moment donné, on va te donner le truc. Tu veux écrire un livre de la conscience, ton humain, là, ils disent, on va t'aider à faire ça. Ça va être pour le grand public. Puis là, tu vas pouvoir grader ça jusqu'à l'absolue découverte de ce pas nous autres qui pensent absolument. Au-delà de l'ADN, ces choses-là. Premier niveau de manipulation, ne pas dire la réalité. Les forces nous manipulent à partir du fait qu'ils nous cachent quelque chose. Ça va? On te dit pas à la naissance, ton père, ta mère te dit pas à la naissance que c'est pas toi qui penses. Pourtant, on pourrait tout prendre comme prérequis que le seul fait que ton papa et ta maman te donnent un ADN spécifique à leur propre structure biologique, c'est déjà une zone d'influence énorme. Parce que tous tes talents viennent de ton ADN. OK? Donc, en partant, tu peux pas dire je suis un bon chanteur ou je suis un bon ci ou un bon ça. Mon grand-père voulait vivre côté ma mère, il voulait être prêtre. Puis à cause de la guerre, il était obligé de prendre la terre de son père qui venait de mourir, puis c'était lui qui revenait de prendre la terre. Fait que, il n'a pas pu être prêtre parce que dans les règles du temps, là, il était obligé d'être dans une terre. Fait que la guerre de 39-45, lui était né, en tout cas. Puis l'âge qu'il avait pour la guerre de 39-45 faisait qu'il était supposé y aller. Puis pour pas y aller, ben il fallait qu'il s'occupe de la terre. Fait que les gens qui étaient cultivateurs n'avaient pas besoin d'aller dans l'armée. Bon, tout ça pour dire quoi? Ça veut dire que lui, il voulait pas avoir de famille. Il a eu 13 enfants. Vivants. Trois avortements. Mais ça fait 16 au total pour la mère. Mais 13 vivants. On est loin du clergé, hein? Et il y a dans sa structure d'ADN une solitude et puis une goût du clergé, puis tout ce qu'on peut imaginer, que quand ma mère, elle m'a vu naître, j'étais le premier de la famille, le plus vieux, elle a dit, ça va être notre prêtre, ça. Ouais, mais ça tient pas compte de mes hormones, ça, là. Parce que le père, lui, c'était pas une nature très, très... Non, il était pas religieux, là, tu sais, c'est ça. Ça pour dire que j'avais un mélange qui me pouvait me faire faire les deux. Mais je suis devenu prêtre en vieillissant. J'ai donné mon âme au Seigneur. Le Seigneur étant les forces, j'ai donné mon âme aux forces. Okay. Ah, grâce à toi, c'était une destinée. On pourrait dire que la destinée, c'est aussi une façon de voir que ce n'est pas nous autres qui pensons. On est dicté d'aller vers quelque chose. On ne sait pas qu'on va aller vers quelque chose. Moi, c'était marqué dans ma carte du ciel avec Neptune en maison 10 que j'étais pour être un homme qui était pour dépasser la spiritualité. OK, puis en vivre aussi en plus. Mais ça n'a pas été dans le sens que je pensais. J'avais un astrologue qui disait hey, toi, tu vas créer des courants de pensée, papa, papa. Tu vas aider les gens à s'aligner puis, à cause de mon Neptune en 10. Bon, OK, c'est marqué. J'ai pas pensé à ça, c'est marqué. J'avais 18 ans dans le temps. J'étais au un salon occulte à Québec. Madame Minou, hein? On est destin pour se rencontrer. Madame Minou, moi j'ai eu les Minou, puis elle a eu le titre de Madame Minou. Je l'ai battu en termes de nombre. En tout cas, si tout est marqué, ça ne vous est pas dit, ça non plus. Il n'y a pas grand monde qui a pu vous dire « tu vas faire ça dans la vie, si, si, c'est ça ». Tu sais, comme moi, mon gars, je l'ai tout enligné dans son éducation pour ce qu'il était supposé faire d'après sa carte du ciel. Elle m'a même dit à l'hôpital Sainte-Justine, à ma femme, « notre gars va être importateur-exportateur ». Elle s'en foutait, elle sortait d'un accouchement, on s'entend-tu que c'était le dernier de ses soucis. Mais c'est quand même ça qu'il a fait. Il est devenu importateur-exportateur. Fait que ton ADN te cache une ligne de conduite, t'as comme un formatage dans ta structure familiale, ton ADN. T'as une destinée au niveau de l'âme qui n'est plus ni moins que ton programme de vie qui va te bâtir une structure autour des talents qui te sont donnés par ton ADN. C'est deux éléments vitaux, nécessaires, essentiels, qui ne te sont pas dits. Et puis, si tu as la chance de rencontrer des moineaux comme Bernard ou moi, qui est un peu comme l'astrologue qui a défroqué de l'occulte âme pour aller dans l'occulte esprit, OK? Moi, quand je passe d'astrologue à une science supramentale, pour moi, je passe de l'âme à l'esprit, vous me suivez? Et tout ça, ben, c'est pas inscrit dans ta compréhension de vie où l'âge de 7 ans, 12 ans, 14 ans devrait être des éléments fondamentaux pour savoir. Donc, quand on parle de manipulation des forces, on parle de quelque chose qui t'est caché. C'est comme un secret qui n'a pas été découvert. Et en vieillissant, on nous apprend à aller dans le sens de notre talent, qui est déjà occulté par l'effort qu'on doit faire pour y arriver. On fait plein d'affaires qui n'ont pas de rapport direct avec notre talent, style « t'as tel job dans telle affaire ». Ça ne t'est pas dit non plus, malgré que tu fais quelque chose qui te prépare à être. Moi, quand je tire au tarot, je fais de la graphologie, la morphopsychologie, je fais de l'hypnose, du magnétisme. J'ai tout fait ça, moi, pendant ma période d'adolescence. Ça ne me disait pas que j'étais pour gagner ma vie là-dedans. Tout le monde me disait que c'était impossible, c'était impensable. Il y a juste moi qui ai forcé dans ce sens-là, dans l'affaire des choses négatives, les tests négatifs que je les passais, puis je trouvais le challenge pas mal le fun. J'allais à domicile, faut pas oublier ça, parce que c'était pas légal. Avoir les bureaux me faisait arrêter tout de suite. Fait que j'allais à domicile, parce qu'à domicile, c'est la personne qui t'invite, donc légalement, c'est viable. Puis j'ai passé les tests, j'ai passé la GRC, j'ai passé la mafia, j'ai passé la politique, les sœurs de congrégation Sacré-Cœur, qu'est-ce que j'ai pas fait? Les homosexuels, des nymphomanes, des tabarnak, en tout cas, tant que t'en veux. Fait que j'ai passé tous les tests, puis je trouvais ça le fun, c'était un challenge, fait que là, je découvrais que j'avais une destinée là-dedans. Tu sais, quand on t'offre des jobs de 50 000, à l'époque, dans les années 70, c'est bien payé, ça, là. On t'offre ça, t'es jeune, puis tu dis non. C'est parce qu'en quelque part, t'es marqué pour faire de quoi, là. Hein? Tout ça, ça t'est caché, puis tu finis par faire des affaires qui t'identifient socialement, mais qui partent de ton centre, que tu sais pas. Tu sais pas où ça va mener. T'es dans un vide quasi constant, et tu découvres ton destin. Mon gars, il a pas eu ça, lui. Il s'est fait dire son destin, puis il a été formé en fonction de sa destinée. Vous me savez? Quand je l'ai sorti de l'école à 12e année, j'ai dit, t'as une carte du ciel pour être autonome au niveau économique. T'as une carte du ciel. Hey, ton père te dit, je te fais confiance dans la vie, tu vas être riche pareil. On s'entend-tu que c'est pas banal, là? Il y a quelqu'un qui te fait confiance sur ton avenir. Pas qui t'encourage. Moi, j'encourage pas. Je supporte quelqu'un que je sais qui peut faire 1 million par année. C'est pas genre un rêve de petit gars, là. C'est une réalité, petit bonhomme. OK? Vous n'avez pas eu de parents de même, vous autres, hein? Fait que vous avez été... L'information vous a été cachée sur votre destinée. Hein? S'entends-tu? Et vous vous demandez encore... Vous êtes fait pour vivre quoi? Le fameux intérêt vital, là, que Bernard parlait, et puis que vous autres... Vous allez avoir, à un moment donné, après avoir fini votre job, vous dites, ouais, mais j'ai fini ma job, mais j'ai pas fini de vivre. Je suis fait pour vivre quoi? Vous savez pas. Vous avez pas de contact, vous savez pas. C'est toute la cachette. Puis vous vivez dans une mer de monde qui lui est caché la réalité, puis qui essaye d'inventer des affaires qui sont déjà marquées d'avance. Ils font partie du scénario, ils font partie du climat dans lequel ils sont. Puis ça cherche, puis ça cherche. Monsieur Ménard, d'après vous, là, moi j'ai fini de travailler, je suis fait pour quoi, là? Ben, t'es fait pour ce que t'as fait, t'as juste à continuer à faire ce que tu faisais. Mais non, et je conduisais des trains, là, je conduis mon auto. Pareil, c'est-tu, une calisse de nuances, ça rentre pas dans le derrière les trucks de la même façon. Et c'est vrai, hein? Qu'est-ce que t'as fait dans la vie? T'as conduit. Il n'y a rien qui t'empêche de conduire. Qu'est-ce qui est l'équivalent d'un train? Mais faire de la bourse, c'est conduire un train, ça. On s'entend-tu? Faut que tu trouves ta traque. Il faut que tu sois sa traque avec tous les règlements de qu'est-ce que tu as suivi avec le CN. Point final. Non, c'était un gars que j'ai rencontré un moment donné sur Facebook. J'ai demandé d'être son ami, puis il m'a accepté. En tout cas, tout ça pour dire que il y a une lecture pour les gens qui est toujours basée sur qu'est-ce qui est reconnu collectivement. Et je peux vous dire que si vous n'étiez pas si collectif, vous seriez ce que vous êtes réellement. Mais vous êtes tellement influencé par l'aspect collectif que vous ne savez pas ce qui vous êtes parce que c'est toujours en fonction d'une comparaison avec l'environnement. Commencez-vous à comprendre que ça vous est caché parce que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Là, vous allez dire, oui, mais comment on peut faire un salaire sans regarder ce que la collectivité offre? On cherche une job. Et pourquoi vous cherchez une job? Votre job est déjà garanti à la naissance. T'es né pour être pauvre. Chris, tu sais que toute ta vie, tu ne feras jamais plus que 30 000. On t'a rendu service. Tu n'auras plus d'ambition inutile. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Tu ne sais vraiment rien. Oui, je disais à mon père, il m'a dit, je fais 90$ par semaine. Mais Chris, vise à en faire 200. Il dit, oui, mais il dit, on n'a pas le contrôle sur l'avenir. Mais je dis, tu contrôles ton avenir quand tu dis que tu ne pourras jamais faire plus que 90$ par semaine. Si tu t'enlignes pour 200, peut-être que tu vas aller ambition pour. Pas comme ça que ça marche dans la vie. Ben, j'ai dit, moi, en tout cas, dans mes vies, je vais viser plus que moins. Ça, c'est sûr. Puis j'ai fini par avoir plus que moins. Fait qu'à un moment donné, quand j'ai dit que je faisais au-dessus de 100 000, il ne me croyait pas parce qu'il dit, tu peux pas vouloir faire 100 000. Ah! J'ai tout pensé que c'était possible. J'ai pas dit que j'étais pour être comme ça toute ma vie, mais j'ai dit, je pensais que c'était possible. Puis c'est devenu facile. Pas devenu facile, mais c'est devenu possible. Ben, j'ai eu la certitude que c'était faisable. OK? J'avais des obligations qui faisaient que c'est faisable. Pour ceux qui connaissent Germain Milhaud, il m'a déjà dit, moi, j'ai besoin à tous les mois de 32 000 pour faire vivre le bureau. Puis il dit, je ne vis pas là-dessus. Là. C'est 32 000 pour le bureau. Le loyer, les employés, papa. Un bureau d'ingénieur, ça coûte des sous. Bureau d'avocat, ça coûte des sous. Tu sais, je regarde des amis qui font 150$ de l'heure. Mais ils ont c'est justifié par des coûts d'opération qui sont peut-être de 100$ de l'heure. Fait que le gars, en final, il travaille 50$ de l'heure. Tu sais, si on le regarde comme ça. Là. Fait que si tu as des obligations, bien souvent, tu es obligé d'avoir la volonté de le faire. Mais c'est comme je vous ai dit, vous pouvez pas vouloir quelque chose, vous pouvez pas. Donc, il faut que tu puisses pouvoir avant de vouloir. Là, tu vas dire, j'ai une grosse business. C'est une grosse business parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin de pouvoir pour justifier un salaire. Puis tous ces gens-là, maintenant tu en as 200, tu as 200 personnes qui doivent pouvoir et qui demandent à être organisées pour pouvoir, pour vouloir faire quelque chose. Donc, plus d'employés, c'est plus de pouvoir potentiel et c'est plus d'organisation pour le vouloir collectif. Donc, ça revient tout le temps au pouvoir des gens d'être capable de faire des choses. Si tu ne vois pas ça, c'est dur d'avoir plus d'employés. Parce que tu ne vois pas qu'un employé, c'est comme un gars qui attend un bébé. Il faut qu'il pleuve plus que ce qu'il fait déjà. Vous me suivez? Et ça, c'est une réalité, pouvoir plus. Parce que les forces répondent à des besoins. Des besoins. Pas des envies de chier. Des besoins. Si tu as des besoins, tu peux avoir le pouvoir. Et donc, conséquemment, vouloir quand tu as le pouvoir. Il y a des gens qui ont dit, « Es-tu capable de régler n'importe quoi dans les couples? » Oui, c'est juste une façon de voir. Amène-moi les deux ensemble, puis je vais vous permettre de pouvoir être ensemble. N'importe qui. Même un homosexuel avec une femme. va lui permettre de pouvoir. Parce que c'est juste à faire voir à la femme que c'est à l'héritage qu'elle va bénéficier de tout ce qu'elle a endure. Ça se fait. Une femme qui est à la pièce un petit peu, que je la place à un étage. Moi, là, il n'y a pas de tension avec ça. Puis là, on va dire, ouais, mais il n'est pas généreux avec moi. Arrange-toi d'avoir des amis généreux, puis endure avec lui, en quelque part, si la baisse est bonne, ou si le salaire est bon, si ça paye moitié-moitié. Tu vas être ton pendant. C'est juste que tu ne regardes pas de la bonne façon. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est se révéler qui te sort de la manipulation du mental, donc de la manipulation des forces. Les forces, si tu sais que c'est pas toi qui penses, c'est déjà encore plus facile. Si tu sais que tu peux parler avec, c'est encore plus facile. Puis si tu sais que tu fais jamais d'erreur quand tu te mets sur une vibration, c'est encore plus facile. Mais ça, je sais que vous ne savez pas. Non. Il y a juste moi qui le sais. Ou presque. Les autres, ils tâtonnent. Ils tâtonnent avec ça. Il y a encore beaucoup de jeu. Donc, dans le jeu, vous avez un masque qui est un petit peu de votre faute. Mais pas vraiment, parce que vos parents ne vous ont pas dit, jeune, que ce n'est pas vous autres qui pensent. Si vous aviez été comme mon gars, à 4-5 ans, je te fais parler sur le contact, 10 minutes, OK, c'est pas long, mais c'est assez pour vraiment te frapper le mental, comme quoi tu peux dire n'importe quoi. Et puis que dans n'importe quoi, il peut y avoir des idées que si tu sèmes puis que t'entretiens, il va te pousser des belles fleurs, tu vas avoir un beau jardin. Moi, jamais j'ai dit à mon gars, tu feras pas d'argent. J'ai toujours dit, t'es né pour faire de l'argent. Il a fait de l'argent. Tu vas dire, ouais, c'est de l'influence positive, du conditionnement positif. Oui, mais Christ, faut qu'il y croie. Faut que ça adhère. Si ça adhère, c'est parce que c'est fait pour lui. Comprends-tu? C'est pas moi qui l'ai forcé à lire des livres de finance. À un moment donné, il m'a demandé des livres sur la bourse. Puis c'était le crash, là, en 2009, là, 2008, 2009. Ouais, mais en 2009. C'est en 2009 que ça a punché, là. La grosse drop à la bourse en 2009. Mais ça a commencé en novembre 2008. Mais le punch, c'était en février 2009. Lui, il m'a demandé des livres sur la bourse. Il a mis 70 000, puis il l'a triplé. En quelques mois, puis il a laissé ça après. J'ai dit, Chris, comment ça fait que tu as juste tradé pour. Moi, je pensais que c'était forever. Il dit, non, moi, il dit, j'aime vendre du concret. Il dit, c'est pas concret, ça. Il dit, j'ai fait de l'argent parce que les Chinois disent que c'est dans une crise que tu t'enrichis, tu sais. Les opportunités sont dans les crises. Fait qu'il dit, on avait une crise, fait que j'ai pris l'opportunité. Il y a des affaires que, tu sais, c'est pas parce que le stock est rendu à 3 piastres puis qu'il valait à 15 piastres que les employés sont pas payés, là. Fait qu'il dit, c'était temporaire, mais j'ai profité de cette période-là où tout le monde voulait sortir du marché. Moi, je suis rentré, j'ai payé pas cher. Puis, il avait acheté du bel hélicoptère, là. Je me souviens pas de la compagnie qui possède ça, là. Textron, c'est ça. Il a acheté du Textron à 3 piastres et demi, puis il a revendu ça à 15 piastres. Bon, c'était pas tout l'ensemble de son portefeuille, là. Mais, il fait de l'argent. Chris, là, hey, écoute, 10 piastres l'action, pour moi, il en avait, tu vois. Mais, il dit, ce qu'on fait, c'est pas nous autres qui pensent, on n'est pas responsable, c'est pas un risque. Si j'ai la vibration forte de le faire, c'est parce que c'est une bonne opportunité, je suis fait pour faire de l'argent, faites-le beau. Tandis que les autres, ils savent pas que c'est pas les autres qui pensent, ils sont mis en vibration, ils savent pas où racheter, ils attendent que ça remonte, ils évaluent ça logiquement, ils ont manqué de bateau. Vous me suivez? Parce que quand tu sais les choses, et que tu as une certitude, tout te réussit. Quand tu ne sais pas, tu es médiocre, puis quand tu es réellement peureux, tu manques toujours le bateau de ta propre vie. Juste parce que tu ne sais pas. Plein de choses qui vous sont cachées, que si vous le saviez, vous seriez des maîtres, vous exposeriez partout, vous seriez reconnu à des niveaux impensables. OK? Vous entendez? Tu sais, on va dire, il y a trois gars de l'agence Claire Ledoux qui ont fait des hits incroyables, là. Je me souviens quand Monique Messier avait récupéré avec Lorraine Richard, un gars qui est devenu très populaire. Il était à l'école de théâtre en Ontario. Puis il l'a auditionné, puis ils m'ont fait tirer aux cartes. Il est-tu bon? Oui, il est bon. Puis Baudin, il était Baudin puis Mélenchon. Ils m'ont dit, quel des deux qui pourrait faire les filles de Caleb? J'ai dit Baudin. Ah, il est difficile à travailler. En tout cas, je me demandais au tarot ce qu'il y a eu. Je lui ai dit, bon, ben, lui, c'est le meilleur, il l'a engagé. Dans ce temps-là, j'avais une certaine influence dans cette époque-là, avec Monique, puis Lorraine, puis Michel Gauzy. Ça fait quoi? Ça fait que si tu es renforcé par quelqu'un qui voit dans le vide, puis que tu as une confiance dans l'individu, puis qui te renforcit dans un vide quelconque, c'est pas de l'encouragement, là. C'est comme, il te sort le tapis pour te dire, marche là-dessus, ça va bien. La fille de Caleb, ça a été une grosse réussite. Puis même dans le temps, c'était Québec-Amérique qui s'occupait de ça, qui échappautait. Puis eux autres, ils ont été obligés d'investir avec un emprunt sur leur maison, un emprunt, hypothèque. Ils ont hypothéqué les toits, ils ont hypothéqué leur maison pour pouvoir faire ça. Puis ça a marché, puis ils ont fait bien du cash avec ça. Ce qui veut dire que si vous saviez ce que vous pouvez, vous pourriez vouloir. Si vous saviez ce que vous pouvez, vous pourriez vouloir. Si vous saviez, vous pourriez vouloir. Tu pourrais vouloir, Denis, si tu savais ce que tu peux. Mais comme tu ne sais pas ce que tu peux, et puis il y a beaucoup d'hésitations, ben tu n'as pas ce que tu veux. Vous comprenez? Mais tu peux toujours avoir ce que tu veux si tu peux. Mais si tu ne peux pas, c'est parce que ça t'est caché. Dans le fond, c'est la suite de l'autre conférence d'avant, là, et qui est d'intégrer l'expérience. Fait que plus vous avez de l'intégration, plus vous pouvez, parce que là, l'intégration te donne énormément de pouvoir, puis elle te permet de vouloir. Fait qu'on peut me présenter beaucoup de défis, puis je sais comment je peux traiter avec le défi. Je peux, parce que je sais comment j'agis. Exemple, moi, je fais de la bourse d'une certaine façon, Castor, pour moi, c'est garanti à vie, là, OK? Mais une personne va dire, ouais, mais t'as pas mis l'argent. Ça, tu le sauras jamais. Peut-être que j'ai commencé à en mettre de l'argent. Mais je le saurai jamais parce que tout le monde va me demander ma recette. Puis ma recette, c'est ce que je sais de moi-même. C'est pas une technique. Je peux vous la donner, la technique. Demain matin, là, je peux la diffuser sur Internet. J'ai pas de problème avec la technique. C'est pas la technique qui est le problème. La technique, c'est que t'as pas de savoir. Si tu te sais pas, tu ne pourras rien faire avec la bourse, tu vas faire des gros gains puis des grosses pertes, puis tu vas te faire soigner le système nerveux jusqu'à temps que tu aies le cancer. Mais de pouvoir, c'est de se savoir. Et ce que vous ne savez pas, c'est ça qui vous manipule. Parce qu'il y a une recherche d'expérimentation de ce que je peux puis de ce que je ne peux pas avant de dire « je le veux ». Tu sais, tu dis « je le veux », je veux faire de l'argent avec telle chose. Avant d'être sûr de pouvoir le faire, il faut que tu explores. Ça coûte cher. On appelle ça étudier. Tout le temps que tu étudies, c'est un temps d'école. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un aller à l'université pour avoir un salaire de l'université en même temps qu'il étudie. J'ai jamais vu ça. Jamais. C'est pas l'université qui va te donner de l'argent. C'est tes parents. C'est une bourse. Même une bourse, c'est à rembourser. Pour que tu explores. C'est une bourse de développement qu'on te donne. Donc, il y a une partie de l'âme qui fait de l'exploration pour se trouver des nappes de pouvoir. Un peu comme quand tu creuses une mine d'or, t'as pas de l'or là, en bloc de 50 livres que tu sors du chose. C'est des petits morceaux de, puis à un moment donné, ils font fondre ou ils concassent la roche pour arriver à avoir de l'or. Peu, tu sais. Mais toute la période de creusage, puis la période de recherche de filons, faut que tu investisses là-dedans, puis que tu sois capable d'évaluer le sous-sol, parce que Chris, ça apparaît pas au grand jour demain matin en voulant dire « tout l'or qui est sous le sol apparaissait devant moi ». Peut-être qu'on aura ce pouvoir-là un jour, mais là, pour l'instant, c'est pas ça, il y a la recherche. Donc, il y a un gros budget de temps, d'argent, pour faire de la recherche de votre pouvoir être. Et après ça, vous voulez être. Après ça, vous faites quelque chose, puis éventuellement, vous avez de l'identité. Mais il faut passer à travers le piège de la personnalité. La personne qui a de la personnalité, c'est une personne qui surfe son potentiel, mais qui vit pas son potentiel. Fait que, tu sais, on va dire, ouais, il paraît bien, mais il livre pas tout le temps. Ça veut dire qu'il surfe son potentiel. Il a le potentiel de parler, mais sa parole n'a pas de contenu, donc il n'y a pas d'impact. Tandis qu'une personne qui a de l'impact, elle fait attention quand elle parle, parce que ça fait quelque chose. Il y a du contenu quand tu parles. Il veut pas parler avec du monde qui n'a pas de contenu, il veut parler avec du monde qui a du contenu. Sinon, il n'y a pas d'échange. Puis s'il n'y a pas d'échange, ben, pour avoir un échange, ben, il faut de charge. Il y a du monde parmi vous autres qui pourrait charger comme consultant, mais non, vous pouvez pas. C'est sûr que pouvoir, c'est déjà avoir une carte d'affaires, hein, on s'entend-tu? Déjà, avec 1004 cartes d'affaires, il y a au moins 2-3 consultations qui vont pouvoir payer tes cartes d'affaires. Moi, c'est comme ça, j'ai vu ça. 1000 cartes d'affaires, 100 piastres, 2 consultations, les cartes d'affaires sont payées. Ah oui, mais il t'en reste 998, so what? Ils sont payés, c'est gratis. Pouvoir, c'est pas nécessairement faire de l'argent. Pouvoir, ça peut être break-even toute ta vie. Tu meurs, ta vie, puis tu as toujours 3 repas par jour, puis une place pour te loger. Puis il y a du monde qui t'habille en finale à 80 ans, 90, si tu veux. Il y a trop du monde qui s'occupe de toi. Pourquoi on s'occupe de toi à 90 ans? T'es un tas de viande qui fait rien. Ah, peut-être que tu fais d'autres choses. Il s'agit qu'à 90, tu dis, je lâche une petite phrase célèbre, puis le monde va me voir tous les semaines. À tour de rôle, avec un line-up, puis un agenda bien géré. Pourquoi? Parce que t'es capable de mettre de la magie dans ton vie. T'as vu? J'ai appliqué ça, je suis rendu à 92. Il y en a qui font rien, ils sont rendus à 100 ans, câlisse. Mais tu mets de la magie. C'est du marketing. 92, je suis là parce que si t'es pas mort, c'est parce qu'il y a une raison. Tu viens me voir, ça me donne une raison de vivre. Tu sais? Cacher égale tromper. Tromper égale erreur. Vous avez peur de quoi le plus dans la vie? L'erreur. Et si, en arrière de vos erreurs, ça vous était caché, que vous ne feriez jamais d'erreur, là, tu dirais, waouh, ça serait merveilleux. Tu ne fais jamais d'erreur. Tu n'as jamais à t'excuser dans la vie. Tu n'es jamais coupable. Christ, vous seriez libre. Il y a des maladies que vous n'auriez pas, en tout cas, comme le cancer. Le cancer, c'est un problème de régénération. Un problème de régénération, qu'est-ce qui te crée un problème de régénération? Le plus simple à comprendre pour vous autres, c'est l'anxiété. J'avais un gars qui chantait, il chantait, c'était écœurant. Hein? Je vous l'ai envoyé, là, c'est Douglas qui s'appelle le jeune Américain. Puis c'était une noire qui s'occupait de lui, là. Puis elle a présenté un des grands chefs de Motown, parce que les Noirs vont chez Motown. La Mac Polydor, c'est pour le classique, Motown, c'est pour le blues, puis les affaires de noir. Puis le gars, il a dit, l'anxiété, ça te brûle une semaine d'énergie. À chaque fois que tu es anxieux, c'est une semaine d'énergie que tu brûles. Tu arrives sur le stage, tu es anxieux, puis tu as déjà ton show de fête, puis tu n'as pas commencé encore. L'anxiété, juste l'anxiété. Avoir peur de manquer de ça, tu te libères de ça, tu as déjà une dépense de moins à faire. Tu as déjà la capacité d'en faire plus. Je fais des balles de ce temps-là. Je me suis vendu l'idée que je faisais 40 cents la balle. Et j'ai dit, si je charge en bas de ça, je travaille pour rien. Fait que là, j'étais à 40 piastres la balle. À un moment donné, je calculais mes heures. Ça me donnait 11 piastres et 28 dollars. 11 piastres et 28. Ça, à condition que j'en fasse des grosses quantités. Parce qu'une fois que tu es installé, ben, tu as ce temps-là que tu n'as pas à comptabiliser. J'ai dit, ouais, 11 piastres de l'heure. Sais-tu que regarder Facebook où ça paye rien et que faire des balles, ça a de la niaiseux, tu n'as pas l'impression d'évoluer bien, bien parce que tu ne communiques pas avec l'humain. Mais je fais 11 piastres de l'heure à faire tout le temps la même chose, 8 heures d'affilée. J'ai même fait un record cette semaine, 10 heures et demie. Je voulais en faire 500. 500, 40 piastres, du 100. C'est 5 fois 40, ça fait 200 piastres. J'ai fait 200 piastres dans ma journée. Une journée de 10 heures, là, tu sais, une journée. Je fais plus que ça quand je fais du CD. Fait que la vie, c'est pas ce qu'on pense, mais si on est drivé avec une pensée qui nous le fait faire intensément, on est manipulé par les forces tant qu'on ne sait pas que c'est les forces qui nous raident. Moi, je sais que c'est les forces qui me raident. Fait que quand ils me donnent le pouvoir de faire 2000 balles en une semaine et demie, puis que ça me donne 800 piastres, que j'aurais fait fuck all, à part de faire des raids d'auto, avec, je sais pas comment ça coûte de gaz, j'ai pas calculé pour 2 heures de route. Mais c'est clair qu'il m'emmène dans un terrain qui est rentable, pour ma vie, j'entends. Qui est niaiseux, aux yeux des gens, mais qui est rentable, dans ma vie. Je fais un plus qu'un moins. Ça, c'est les forces. J'ai appris à suivre eux autres. Puis, Chris, il gère ton alimentation, il gère ton sommeil. Tu sais, comme je viens ici, j'ai 6 heures de sommeil dans le corps. J'ai peut-être l'air poqué, mais je suis capable de faire ma job. Fait que s'ils me disent, c'est correct, 6 heures, t'es correct. Ben, moi, je m'en viens pas ici en pensant que j'ai pas dormi. Puis faire de l'anxiété, puis me brûler avant d'arriver à la conférence, vous me suivez? Donc, ils me disent, bon, OK, c'est correct. Là, tu vas dire, ouais, ben, c'est un mantra, c'est l'équivalent de se faire une idée des choses, puis de staller là-dessus. Ouais, le problème, c'est qu'avec les forces, c'est pas toujours la même recette. Je dis souvent aux gens, il n'y a pas de recette avec eux autres. Il y a la recette du moment, la recette de la réalité, mais c'est pas une recette pour tout le temps. C'est la recette pour ce moment-là. Tu sais, c'est clair que quand ils vont me lâcher à la vibration, des balles, Là, si je continue à l'en faire, ça sera pas rentable. Là, ça va être du pas vendable, c'est pas compliqué. Tu sais, je suis rendu dans les balles de 300 Magnum, 7e mag. C'est pas les gars qui font de la compétition qui tirent de cette balle-là, c'est des chasseurs. Mais j'ai pas de, moi, je connais personne dans les chasseurs. Vous me suivez? Donc, conséquemment, c'est plus vendable pour moi, là. À moins qu'eux autres me présentent une ligne d'or, une ligne dans le sol, qui me dit, ben, il y a un groupe de chasseurs, puis eux autres, ils tirent du gros calibre. Là, je peux peut-être aller dans le 315, 416, la balle à éléphant, là, puis j'ai pogné une batch pour vendre 1000 balles dans l'éléphant. Vous savez? Mais c'est toujours aux autres qui rendent le show. Enlevez-vous le secret de l'âme, vous avez déjà fait bien du chemin. Fait que mes cours d'astrologie, c'était des mines d'or pour les gens qui veulent comprendre l'âme. Après ça, allez dans la base, là, la source du pouvoir, qui est les forces. Puis organisez-vous pour les suivre, pour qu'ils augmentent votre intensité, qu'ils augmentent votre ground, qu'ils augmentent un paquet d'affaires qui sont cachées à l'œil. Puis allez dans le sens de l'esprit, vous allez voir, Chris, que vous allez pouvoir vouloir plus. Pour faire un parallèle, Jeannette, elle peut faire de la business, molle comme elle était, redressée à 308, ça lui fait faire au moins deux, trois ménages de plus par mois. Je dis qu'elle a ce petit rapport qui est allé tirer la 308, ça coûte de l'argent, une pièce à la balle, faire plus de ménage. C'est parce que quand tu te fais ramasser et qu'il y a une 308 sur l'épaule, ça puis une claque sur la gueule, ça va pas pareil. Puis tu viens mauvais. Tu sais, c'est comme. Je l'ai vu choqué chez nous, je dis, waouh, Asti, elle va me faire un beau ménage, elle est choquée. Puis comme de fait, quand t'es parti, j'étais content, j'ai même dit le lendemain, hey, je ne vais pas inviter du monde chez nous, c'est propre, juste dans le salon. Hein. Tu comprends-tu? T'es venu dans mon bureau, hein, sacrément. C'est gênant. Sérieux, c'est parce que je te connais bien, là. C'est gênant. Mais moi, je me retrouve là-dedans. Pour moi, j'ai pas de chaos dans le coco, j'ai pas de chaos dans la forme. Là. Mais quand je vois quelqu'un choqué, là, tu sais, puis ah, là, ça, c'est bon. Ça, moi, là, c'est série. Parce qu'il faut t'apprendre à sacrer, un moment donné. Pour voir que le pouvoir, il vient avec la colère. Pas avec la rage, avec la colère, puis la colère. Puis là, tu peux faire une idée que t'as une idée, tu peux le faire parce que t'as de la colère. Tu te laisseras pas arrêter. Tu sais, j'ai tellement vu du monde arrêter pour rien, là. C'est une niaiserie, calisse. Puis là, à un moment donné, là, il choque. Boum! Il traverse l'obstacle. Vous pourrez jamais, jamais traverser un obstacle avec des lampions. Vous comprendre ça? C'est pas la croyance qui change la vie, hostie. Non. Pas l'espoir non plus. Il y a une hostie de pouvoir qu'il faut que tu ailles dans le cadran que tu vas aller chercher par un test. T'as le test, bang, tu passes à travers. Tu t'entends pas avec quelqu'un. Pouf, y a-tu mangé dans ton assiette? Hein? Tu joues du monde qui est dans mes groupes, le consultant. Ils sont assis, ils sont pas menacés. Il y a personne qui va se lever pour sacrer un coup de poing à l'autre. Puis, ils ont des antipathies. Ils s'aiment pas. Tu parles trop. Tu parles pas ce que je veux entendre. Alors là, ça fait une gang de jaseux qui se gèlent dans une pensée qu'il faut qu'elle soit aimée. Faut qu'il pose une question que l'autre aime. Hey, allez-vous sortir du collectif, Chris? Les questions qu'on a à poser, c'est une formation, là. C'est des questions qui ont jamais été pensées, là. Que même moi, j'aurais pas imaginé penser. Quand je posais des questions à Bernard sur le stage, il fallait que je trouve des questions qui pouvaient le faire parler sur quelque chose qu'il savait pas. Il savait pas avant de le dire. Puis moi, il fallait que j'aille des questions que je savais pas que j'étais pour le demander. C'est ce qui faisait le show. Puis avouez, c'était moi le meilleur intervieweur, hein. T'as pas du Payotte puis du Glenn, là. Bernard, il disait que Glenn, à la fin, il faisait des glaneries. Hein, dis-moi, c'est les astuces de glaneries. Il revient tout le temps aux extraterrestres, le maudit fatigant. Il dit, tu vois pas qu'on en est des extraterrestres? Il est vraiment convaincu, ça, là. On est tous des extraterrestres. Il n'y a rien de quoi, là. Le cachet. J'ai dû arrêter juste à 34 minutes. Le cachet, c'est le plus grand obstacle de tous les temps. Le mensonge, les politiciens utilisent ça à la charrette. Non, pas la charrette, là. Il faut vraiment comprendre que c'est tout ce qui nous est caché qui nous fait payer plus, qui nous fait se distraire de ce qu'on doit faire. Et qui nous fait aussi se maintenir dans un système légal. Bon, Pour moi, là, les règlements, ça route à 100 kilos. C'est valable pour à peu près 90% des gens. Moi, ils me mettraient ça à 160, sais, genre permis spécial, là, bon, permis de police, là, puis j'aurais le droit de rouler à 160, je serais plus dans mon élément. Là, je pourrais continuer à faire de la moto, puis je cruisais à ça, 160. Benoît, il pourrait être un bon conducteur, tant qu'on y rentre pas dedans, mais c'est pas lui qui était à la faute de, t'sais. Fait que, comprendre que la réglementation, c'est pour un certain type de gens, généralement plus faible que ce que tu peux être. T'sais, tu mets un auto entre les mains à Gilles Villeneuve sur la 15, il est capable de faire mieux que toi, là. T'entends-tu, là? OK? Il devrait avoir des permis spéciaux pour des gens qui ont plus de talent, puis qui ont, t'sais, qui ont fait la preuve que c'est pas eux autres qui sont l'occasion d'accident. OK? Mais c'est pas ça, la vie. La vie, c'est une réglementation qu'on base à partir du fait que les gens ont 14 ans de développement mental. J'ai appris ça dans la publicité. On fait jamais une publicité qui dépasse 14 ans d'âge mental. Jamais. C'est une règle. Toute publicité doit être comprise par un enfant de 14 ans. Si c'est trop poussé, c'est pour une clientèle très spécialisée et c'est une façon de sélectionner ton public. Fait que tu donnes une publicité d'âge style 21 ans et plus, là, on va dire que c'est une publicité spécialisée. C'est une règle en publicité. On est donc dans un univers où le cachet est la façon de dominer. Qu'est-ce qu'une femme qui vit avec un homme ou un homme qui vit avec une femme a le plus peur? C'est que la femme, il cache quelque chose. Mon père, il en faisait une obsession. Il était tellement, tellement négatif qu'il était sûr que ma mère, il cachait des affaires. Puis moi, je l'haïssais tellement que je disais, c'est sûr qu'elle te le dit pas. Elle me le dit à moi, pas besoin de le dire à deux. Mon sacrement. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Pas le droit de le dire. Là, il y en avait deux. Pour lui, je complotais contre lui. Mais ben, moi, je me faisais juste me venger. C'est terrible de ne pas savoir. Qu'est-ce qu'on pousse le plus dans une société? L'éducation. Le mot exact, c'est instruction. Mais plus l'éducation, c'est bon. Tu veux être dans la famille royale en Angleterre, ça va être pousser ton éducation plus que ton instruction. Parce que le paraître est plus important. Qu'est-ce que tu sais? On peut dire n'importe quoi. On peut t'imprimer des diplômes si on veut. Mais de l'éducation, ça, c'est dans le paraître, comment tu t'habilles, comment tu fais. Moi, je suis un anti-éduqué. T'avais de changer parce que les forces me disent là, tu serais dû pour un tune-up, tu sais, vestimentaire. Vous allez avoir un choc, je vous le dis. C'est une partie de moi qui vous est cachée. Donc, si vous êtes une personne à qui on cache, vous êtes une personne affaiblie par l'environnement ou l'autre. Terrible. Quelqu'un qui est sur le contact, puis l'autre essaye de cacher, il n'est pas capable. Hein? Moi, tu m'amènes une femme, là, puis un saut muette. C'est pas grave, ça. Je lis dans ses pensées. Ou dans ses états, si vous aimez mieux. Et la vie continue. Mais si vous êtes avec une personne que la communication est vitale, c'est parce que vous voulez tout savoir, pour ne pas être pris à se faire contrôler par un secret. Les forces en vous autres, ils vous cachent la réalité. Donc, il faut qu'ils vous mettent à leur réalité pour que vous sachiez ce qu'ils savent. Donc, ils vous demandent certains états de comportement qui vont vous permettre d'avoir le droit de savoir. Pas peur, pas d'anxiété, pas d'angoisse. Tout ce que tu vis quand tu es dans une négative, pas avoir peur de perdre, pas penser qu'ils t'ont abandonné parce que tu n'as pas d'argent. Il faut que tu apprennes à savoir que l'argent va rentrer quand il faut. Et ça inclut à la dernière minute. Les gens qui ont eu mon enseignement de très près, comme Mme Ledoux ici, elle a appris à vivre avec la dernière minute. Et plus elle est anxieuse, plus la dernière minute est 10 minutes plus tard. Une journée plus tard, même une semaine plus tard pour le loyer. Tu sais. C'est du vital. Tout ça pour te saturer de négatif, puis que tu finisses par lâcher prise, puis te laisser aller, là. C'est le temps de l'orgasme, pas le temps de te retenir, là. Donc, l'orgasme avec les forces, c'est de savoir. Savoir que tant que t'es pas mort, il y a une raison. Savoir que la panique n'a pas le droit d'exister pour un homme ou un être conscient, homme ou femme. C'est sûr que vous allez dire, ouais, mais c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, vous avez compris pourquoi le monde ne savent pas. Savoir, c'est une responsabilité pour vous-même, puis c'est une responsabilité par rapport à votre environnement. Moi, je veux pas prendre des gens qui savent pas, qui se comportent comme des gens qui veulent pas savoir. Faut que je sois avec des gens qui veulent savoir pour leur faire vivre savoir. Mais donner des recettes toutes faites, il n'y en a pas de recette dans conscience. Il y a la recette du moment, mais il n'y a pas de recette. Dans un moment X, c'est ça. Puis dans le même moment, à une autre situation, c'est d'autres choses. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de « tu fais ça, puis ça va faire ça tout le temps ». Ça n'existe pas. Ça, tu as ça dans le talent. Le talent, tu tiens ta raquette de telle façon, tu vas bien jouer. Mais carabine, même chose. Respiration, la qualité de ton arme. Qu'est-ce qu'il y a pas? C'est le trigger, mais ce trigger, c'est mécanique. Fait que trigger, respiration, le poids de l'arme, et puis évidemment, se connaître ta balistique, tu maîtrises ça, puis là, tu peux faire ce que tu veux. Tu te trompes dans ta respiration, tu respires mal, t'as une carabine trop légère, elle va te kicker dans le visage, ta-ta-ta-ta-ta-ta. C'est facile de dire à quelqu'un, tu vas être un bon tireur, tu commences là. Après ça, c'est entre ses mains. Vous savez? C'est facile de faire une business. Il y a des règles là, que tu dois respecter. Tu ne pars pas de business avec rien dans tes poches. Tu pars pas une business avec quelque chose que tu peux livrer. Si tu dis, donne-moi 100$ puis je te promets de te le livrer demain, c'est dangereux parce que mon gars a essayé ça un moment donné de se partir sur eBay. Il recevait l'argent, il allait le chercher au magasin puis après ça, il chipait. Un moment donné, le magasin n'avait plus. Oups, belle air. Pas bon pour ton crédit, ça. Là, il a dit, ouais, il faudrait que j'ai au moins un minimum d'inventaire. Puis tu fais de la business avec quelque chose que tu as. Tu as un talent, tu peux l'échanger. Tu n'as pas de talent, puis tu dis, attends-moi un an, je vais aller prendre des cours, je vais te le donner, ça ne marche pas. Pour ça, je dis tout le temps, moi, je peux faire des cours avec tout ce que je peux apprendre une semaine avant l'autre. Moi, je peux te montrer n'importe quoi si tu me donnes une semaine avant toi. Pas de trouble. C'est fait. Une semaine avant l'autre, je me préparais du matériel. Puis après ça, je disais, bon, ben viens, moi, te le montrer. Mais deux semaines avant, je n'aurais pas pu te le dire, parce que je l'avais pas appris encore. Ça, c'est le tricking de l'âme, c'est ça. Tu peux pas faire ça avec le double. Il t'est caché des choses avec la source. Question. Est-ce que c'est dans la partie cachée qui détermine la programmation de l'homme? Non, la programmation, c'est à ta naissance. Ce que tu découvres dans ta programmation, puis le comment l'esprit intervient, ça, c'est tout à voir. Quand tu connais, comme exemple, l'astrologie ou des sortes de techniques pour pouvoir, tu sais, les compagnies vont faire des tests psychologiques, là, ils ont des termes pour ça, là. Psychographie. Ouais, tout ça, là, en tout cas, vous savez ce que je veux dire. Psycho quelque chose, OK? Puis c'est pour encadrer la personne. Les assurances sont friands de ça. C'est un gars qui est à risque, c'est un gars qui n'est pas à risque. Fait qu'ils font passer des tests. Tu sais, il y a des statistiques qui démontrent que... Tout ce qui est programmable, OK, c'est vérifiable. Moi, j'avais un gars, dans le temps que j'étais dans l'astrologie, style apprendre, là, lui, son trip, c'est de trouver l'âge de ta mort. Ouais, c'est ça, à quel âge tu vas mourir. Puis il allait dans les hôpitaux puis il demandait toutes les mortalités puis la date de naissance avec la date de mortalité. Puis il a fait des recherches pendant 3 ans. Et puis il est arrivé à des conclusions que une université en Allemagne a demandé d'aller passer un mois là-bas pour expliquer qu'est-ce qu'il avait découvert. Parce qu'il y a des compagnies d'assurance qui étaient intéressées à payer pour ça. Ouais, évidemment. On vous assure jusqu'à telle date, madame. Style une semaine avant que tu crèves. Et voilà. Puis il y avait effectivement, il m'avait dit, écoute, c'est les mouvements de Saturne puis de Pluton. Puis il dit, quand tel effet plutonien se passe, tu as 80% des chances de crever là. Puis quand Pluton puis les effets de Saturne passent en même temps, c'est sûr que c'est fatal. Tu sais. Mais tu veux connaître ta date. Comme moi, c'est 82 ans. Avant ça, ben, je peux avoir des... Je peux pas de la... Ils vont m'enlever mon permis, là, tu sais, mais je suis pas mort. C'est ça. Il y a toute ça l'affaire qu'on était ensemble puis on faisait de la, on fouillait. Hein. Lui, c'était ça. Moi, c'était d'autres choses. C'était comment pouvoir faire un couple stable, tu sais. Puis moi, il m'avait dit, toi, c'est pas possible. Si t'as Uranus en maison 7, que ça va divorcer à tour de bras. Moi, je dis, crèche fidèle. Ouais, mais l'autre. C'est deux, hein. C'est des musées comme dodo. C'est un consentement mutuel, un couple. C'est pas un qui décide que. Okay, j'ai trouvé bonne, celle-là. Ça a marqué ma vie, cette petite phrase-là. Un couple, c'est un consentement mutuel. OK, enregistré. Tout ça pour dire que ce qui peut ne pas être caché facile, c'est de connaître quelque chose qui prédit l'avenir. La météo, les affaires de même. C'est pas obligé d'être tout le temps l'astrologie, ça peut être d'autres choses qui prédit l'avenir. Tu sais, n'importe quoi. C'est toute une affaire d'avoir le pouvoir et après ça, le vouloir. Il faut vouloir la forme, mais il faut avant tout avoir le pouvoir de l'habiter. J'ai-tu répondu à ta question? Ça doit, hein? Question? Là, je lis mon poète, ça, je ferme ça là. Donc, c'est toutes les peurs qui vont passer. Ouais, la peur, c'est une pointe d'iceberg, mais il y a deux tiers en dessous de la peur. Il y a deux tiers du iceberg qui est en dessous de la peur, c'est ce qui apparaît. Mais c'est pas l'élément essentiel. C'est ce qui bâtit la peur. Mais la peur est toujours basée sur un manque de pouvoir. Comment qu'un gars avec un bicycle à gaz peut faire deux tourniquettes dans les airs avant d'atterrir sur ses deux roues puis dire, yes, je l'ai. Hey, si j'en ai conduit des bicycles, c'est 210 livres minimum que tu entre les pattes, là. Puis tu te promènes là-dedans à faire des somersets dans les airs à quasiment 40 pieds de haut. Dans ma pensée la plus imaginative de l'époque, j'avais jamais eu ces pensées-là. Nous autres, on faisait juste lâcher nos poignets puis les reprendre, puis on était des héros. Le gars, il dit, « Ah, ben, comment t'as fait ça? » J'ai pris un risque. Là, on regarde les petits gars faire des somersets. Ils sont au bout de leur siège, ils tiennent juste leur siège, les pattes dans les airs. « Comment t'as fait ça? » « Bon, j'ai pratiqué un petit peu. » Non, excuse-moi, il y a quelque chose. Il y a un pouvoir qu'il y a aujourd'hui que c'était pas pensable dans les années 70. Un pouvoir. Il a développé un pouvoir. C'est bien des bains de mousse, là. Tu sais, des baguettes de mousse dans un container, puis que le gars, il s'asseye, puis il est tombé souvent dans la mousse avant de se présenter au stade olympique pour faire ses pirouettes. On s'entend-tu? Comment ils font pour débasser des records, puis des records, puis des records? Bon, OK, il y a les drogues, mais quand même, c'est quand même deux pattes qui pédalent ou deux pattes qui courent. T'as beau être drogué tant que t'en veux, tu disparais pas. Y a-t-il une drogue qui fait que quand tu penses, t'es rendu où ce que tu penses? Non, ils l'ont pas inventé, celle-là. Ben, là, je sais pas, pour les drogues, on veut voir ça. Un gars qui disparaît de cette chaise-là, puis qui abaisse cette chaise-là. Tu vas me dire, ouais, mais Copperfield, il le fait déjà. Ben, qui donne sa recette? Arrête de le cacher, bonhomme. Ça peut être pratique, cette affaire-là. Là. Ta femme à gueule, tu disparais, tu reviens juste quand t'as arrêté de parler, si bonac. Tout ça. C'est le secret qui est à l'origine des peurs. C'est le pas savoir. Tout ce que vous faites pour savoir dans la vie, ça va vous donner du pouvoir. Le pouvoir vient avec le savoir. Pas la connaissance, là. Perdez pas de vue que la connaissance, là, il n'y a rien, là. Savoir. C'est instantané, le savoir. La connaissance, ça demande de prendre des cours, ça demande de l'étude, ça demande... C'est pour former le cadre, ça. Pour faire ta tasse, il va avoir la science, là, il te faut une tasse, puis c'est la connaissance qui t'apporte ça. J'ai besoin de connaître pour être capable d'absorber la puissance des forces. J'ai besoin de connaître. Il faut que tu aies des outils pour que les forces te fassent te servir d'un outil. J'ai un magnéto, là. Je peux pas dire, je prendrai pas de magnéto, les gens vont s'en souvenir, je vous trosse pas. Vous avez besoin de quelque chose, un support qui, dans 5 ans, va dire, j'ai eu une bonne conférence, mais je me souviens pas de ce qu'il a dit. Puis là, ben, il dirige vers le CD, il dit, ah oui, c'est ça. Faut que t'aies un support. Ça, c'est astral. Puis le contenu, ça a souvent des, ben, c'est parce que je peux pas parler pour tout le monde, là, mais c'est souvent ça qui est les forces, qui vous emmène le pouvoir. Ben, il vous faut une contenance. Tu sais, c'est comme avoir du pouvoir puis pas avoir de retenue, donc de pas avoir de résistance, mais ça va se perdre. Ça va être actif pour la période où c'était réel. Mais si tu veux laisser une mémoire, ben là, faut que tu t'adresses à quelque chose d'astral. Donc, il te faut un médium astral qui a été construit par l'astral pour absorber le savoir. Tu veux? Fait que les deux travaillent de pair. Mais ce qui apparaît, c'est ce qu'on connaît. Puis ce qu'on connaît, c'est ce qui est de la forme. Bernard disait tout le temps, moi, je suis ici de détruire la forme. Ça voulait dire détruire ce qui contient avec une limite, puis à agrandir la limite pour qu'il y ait d'autres contenants plus grands qui sont capables d'absorber plus. C'est dans ce sens-là qu'il parlait de détruire la forme. Parce que si vous avez des systèmes de valeurs qui vous limitent dans votre science, donc dans votre pouvoir, il fallait qu'ils détruisent vos systèmes de valeurs pour que vous puissiez découvrir un autre pouvoir beaucoup plus, qui a beaucoup plus d'amplitude que strictement, exemple, viser l'argent. Moi, il y a des activités que je fais que c'est pas pour l'argent, c'est pour développer la résistance puis développer une plus grande capacité capacité de pouvoir pour vouloir. Il y a des choses je peux vouloir parce que j'ai passé par telle étape de vie, là. T'sais, une connaissance de la bourse, puis pas de connaissance de la bourse, puis faire de la bourse, peut-être la flux pas mal longtemps pour pouvoir, tu sais, je vais gagner ma vie avec ça. Donc, regarde l'étude que tu as faite, ça se monte en termes d'années, là. Des gens pensent que dans une fin de semaine, ils vont tout savoir. Ils vont peut-être tout connaître. Puis après ça, il faut qu'ils s'en rappellent. OK? Puis là, qu'on te garantisse que ça marche, bien ça dépend de ta capacité d'aller te chercher le pouvoir de ne pas avoir peur, le pouvoir d'être sûr, le pouvoir de connaître, de te connaître dans le trading. Je suis sûr que tu ne trades pas aujourd'hui comme tu tradais il y a 2 ans, là. Il y a quelque chose qui a maturé là, là-dedans. Pourtant, ça peut être la même stratégie, la même technique, mais il y a un capotage de moins dans le coco. Les gens qui capotent, c'est des gens qui ont très peu de pouvoir. Ils ont peut-être bien de la connaissance, du talent, une habilité, mais du pouvoir, non, ils n'en ont pas. Parce qu'ils ne sont pas connectés avec leurs sources. Donc, c'est ça. Une question? C'est quoi savoir? Le savoir, c'est une capacité de faire des choses... sans questionner. T'as pas de... La compréhension, ça se... L'argumentation, c'est basé sur la connaissance. Mais tu peux pas argumenter de la conscience. Parce que quand tu sais, ça s'argumente pas. Si tu l'argumentes, c'est parce que toi, t'es pas au même niveau que l'autre. Celui qui sait, moi je sais que c'est pas moi qui pense. Je le sais profondément. J'ai eu toutes les preuves possibles et impossibles dans ma vie. Quelqu'un qui s'ostine avec moi, c'est parce qu'il est pas rendu là. C'est tout. Il connaît. Mais il sait pas. Parce que connaître, c'est pas savoir. Ça n'a aucun lien. C'est l'âme qui connaît. Mais c'est l'esprit qui sait. Donc, c'est pas connecté avec ta source. T'as pas accès au savoir, mais tu peux avoir accès à l'infini, à la connaissance. Il y a des gens, ça apprend 8-10 langues. Si tu fais avec, ben, je parle 8-10 langues. Ouais, mais tu parles-tu 8-10 langues dans ta vie? C'est des gens qui connaissent. Ils connaissent des langues. Mais il faut que ce soit mis en contexte pour les vivre. Tu sais, Chris, si tu parles le chinois, t'es en Chine pour le vivre, ou tu rencontres des Chinois pour le parler. Tant que c'est pas ça, t'as appris le chinois, mais tu vis pas le chinois, donc tu sais pas le chinois. Tu fais juste connaître le chinois, pas pareil. Tu peux pas intégrer si tu sais pas. Tu peux avoir l'expérience d'avoir appris 8 langues, puis tu peux avoir le savoir dans 2-3 langues, parce que t'es pratique, t'es vie. Daniel, c'est quoi le sentiment de la gêne? Tu es aussi gêné que tu ne fais pas ce que tu sais. C'est tout relatif à comment tu penses les choses. Mais en général, ce que j'ai pu reconnaître, c'est que les gens gênés, c'est des grands orgueilleux. Moi, je ne voulais jamais manquer mon coup. Hein, fait que l'orgueil, il avait plein de tubes. Là, avec le temps, tu te rends compte que les autres font des erreurs. Tu te permets d'en faire quelques-unes. Okay. Tu te dis, ah, grâce à ça, c'est permis. On se corrige, c'est tout ce qu'il faut. Fait, qu'est-ce qui a déclenché dans sa tête, justement? Il était gêné. Vous avez le pouvoir de le faire. S'il frappe avec un bat, vous êtes capable de frapper aussi. Je veux que je fasse un autre 15 minutes, là, poser des questions. Parce qu'il y a tellement de montage à faire, c'était chiffre. Tout se ramène au fait d'être dans. Connexion avec la source. Ben, si vous voulez avoir le pouvoir. Hein. C'est tout le temps conditionnel au fait que tu cherches le pouvoir. Ça a été. Tu as vécu une vie où ça a été caché. Quelqu'un qui ne cherche pas le pouvoir, qui veut juste. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ben, je vous dis, même dans ta vie, là, tu sais, moi, je ne fais pas la cuisine chez nous. Moi, ça, pouvoir faire la cuisine, ça me donnerait une raison d'avoir un poêle chez nous. Là, quand je pense cuisine, je pense Coleman, là, tu sais. Je vais chez Sale, je vois un petit poêle Coleman, là, un rond, là, puis je me dis, ouais, je devrais avoir ça au moins, là. Ben, tu sais, je vais te faire, je sais pas, tu vas te faire un gruau, n'importe quoi. C'est le pouvoir il considère être le pouvoir adéquat. Tu parles des forces? Ouais. C'est de ne pas avoir accès. T'es pas vulnérable. T'as pas de vulnérabilité. Quand je suis descendu, je suis arrivé sur la galerie, ça gueulait en arrière de la maison. Comme ici, tu as deux longueurs de salle. Tu sais, tu prends cette salle-là, puis t'en rajoutes un autre en arrière. Là. À cette distance-là, j'avais une gang de coyotes qui hurlaient. Dont un que, au début, je pensais que c'était un petit chien. Puis il y a un gars qui me dit, ouais, mais ça peut être un bébé coyote. Ah, gros, ça, ça a bien du sens, ça. Là. Fait que j'avais des coyotes en arrière de la maison, puis je viens me descendre ma galerie avec ma carabine, chargée, 5 balles dedans. Puis là, les forces, en descendant en galerie, ils ont dit, t'es mieux de revirer, t'as pas assez de balles. Il y a plus de coyotes que t'as de balles. Puis il dit, y a rien qui garantit que tu vas être capable d'y tirer bullseye à chaque coup. OK. Puis un coyote, ça se défend. Ça a peur, mais ça se défend. En voulant dire, si t'en tues un, la gang peut se revirer. Tu sais, ça sera pas facile comme dans tes rêves. C'est du pouvoir de savoir ça. Tandis que si t'es fendant, puis moi, dans la vie, j'ai pas peur de rien, t'arrives là-dedans, Christ, tu te fais mordre dans la jugulaire, t'es fait, style. T'as juste besoin d'un coyote, même le bébé qui a assez de force d'un mâchoire, là, style 100 livres de pression, puis il peut t'égorger. Calice, t'es à terre pour la raison que t'as mal aux pieds, puis tu t'accroches d'une branche, puis tu dis, aïe, aïe, calice, puis là, tu tombes à terre. Hey, t'es en noirceur, 2h du matin, OK, tu vas pas là avec une flashlight, là, tu tires dans le tas. On vit pas avec la réalité. Fait qu'il y a des fois que quand on est dans de la réalité, on a peur. Puis là, ils m'ont envoyé un gros crisse de courant dans le corps. Moi, j'ai lu le courant comme « Vas-y pas! » Je revirais de bord. Je vais peut-être sauver la vie cette fois-là. Ça, c'est avoir du pouvoir. D'être averti. De pas avoir de secret. Ta blonde te triche sacrément, puis tu le sais. Soit tu y pardonnes ou soit tu divorces. T'as le pouvoir t'as le pouvoir de savoir et le pouvoir de prendre une volonté. Tu pars une volonté de faire quelque chose. Claire, elle m'appelle. Elle me parle de ses chums. Je les ai jamais vus. Puis c'est moi qui lui dis quoi faire, sacrément. Ça vient d'où, ça, là, tu penses? Je ne peux pas baiser avec le gars. Ça serait bien le reste, tabarnak, pour avoir le sida. Comment ça veut dire? Oui. Je sais avant que l'autre qui vit ça. Le sache. Hey! Allume tes lumières, man! C'est pas ça du pouvoir, c'est quoi? Fait que c'est plus visible. Je fais des balles comme un malade. Puis, des fois, c'est payant. Voyons, c'est payant. Ouais, je travaille pour rien. Tu comptes tes heures. Je compte mes heures. 11$ de l'heure, sacrément, c'est mieux que bien des affaires qui te payent pas. Puis qui te coûtent de l'argent. Pas du pouvoir pour toi, ça? Oui. Le pouvoir de ne pas avoir peur, c'est quelque chose. Moi, je trouve ça merveilleux. Puis, de ne pas avoir peur, c'est de savoir. Chris, si tu sais quelque chose, tu peux te préparer pour où? Puis, tu sais, ils vont dire, comme l'après-midi, je me trompe dans la sortie. Je prends la sortie pour aller au. Pour aller, en tout cas, Julius ou l'autre. C'est pas ici, en tout cas. Chez Mirage. Je prends la sortie pour aller au Mirage. Je m'en ai, je dis, hey, si. Qu'est-ce que j'ai fait là? Il aurait pu me faire arriver au Mirage, sortir de mon char et dire « Ah, c'est pas ici. » Le 11 avant. Le 11 avant, j'ai repris la sortie, j'ai sorti. Je dis « Pourquoi m'avait fait passer là? » Il dit « T'aurais eu un accident, ça aurait passé par l'autre champ. » Oh. Ah, je peux pas vérifier, mais mettons que c'est ça qui s'est passé. Merci. Mm. Moi, je trouve ça pratique. Pas besoin d'avoir peur. Pas d'anxiété, tu sais, je suis en forme, pas beaucoup de sommeil, mais pas d'anxiété. Tu as toute ton énergie pour l'équivalent de 6 heures de sommeil. La vie est belle. Un autre va s'inquiéter, va dire, si j'ai pas dormi mon 8 heures. Ah, parce que dans la société, ils sont obligés de dormir 8 heures. Sais-tu, j'ai vu des gars dans l'armée faire des 48 puis des 72 heures, si ils s'endormaient, puis ils tiraient encore droite. Ça faisait partie de l'entraînement. C'est encore avoir du pouvoir. Ils te font... Le savoir. C'est un élément. C'est non, le savoir, c'est une affaire qui apparaît après le combat. Il y a un combat que tu fais à un moment donné devant un type d'événement. Là. C'est comme par exemple, avec un combat. À un moment donné, incapable de faire un an. Je vais pas payer. À 3 ans, tu vas être fiancé solide. Là. À 7 ans, tu vas faire un coup. Parce qu'à 7 ans, tu vas avoir envisagé de le tuer, tu vas avoir envisagé de le promener en poussette. Tu vas être, tu, puis là, si tu décides de rester, là, c'est parce que là, t'es ou t'es cassé, ou t'as plus peur de rien. OK, je te donne un exemple. Ça peut être dans un job, ça peut être pareil. Quand tu as fait un 3-4 ans dans un type de travail, tu peux dire que si tu restes au BAT, c'est parce que tu as passé à peu près tous les tests possibles de passer. Là. Parce que pour te sortir de quelque chose, il faut que tu aies peur de ne pas être capable ou il faut que tu ne sois pas capable. Le savoir, c'est d'aller au-dessus ou au-delà de tout ce qui t'empêche de faire que tu le ferais. C'est simple. Hein? Le savoir, c'est une conséquence. C'est pas une priorité. C'est pas quelque chose qui t'est donné à naissance. Tu deviens scient. Mais tu peux facilement être connaisseur. Tu peux avoir accès à de la connaissance. C'est la base de l'âme, la connaissance. Et la mémoire, ça va de soi. Je me souviens, dans le temps, on glorifiait les gens qui avaient de la mémoire. C'est beau. Mais ça fait bien des petits casiers là, qui t'empilent le coco. Quand tu es obligé de te libérer de ça, c'est un gros flush, là. Mais un ex-lax là-dedans, là, mais oh, c'est bien des affaires à vivre. Parce que tout ce que tu te souviens va demander d'être vécu. Si tu ne peux pas vivre tout ce que tu te souviens dans cette vie-ci, tu connais le bilan de tes prochaines années, parce que tu vas être obligé de les repasser. Prochaines années et vie plus. Vie, pas les vies antérieures, mais les vies postérieures, là, les vies. Ouais, les vies de cul, c'est des vies postérieures. Tout ce que vous avez peur, vous n'y échapperez pas. Vous êtes obligé de le vivre plus tard. Fait que pensez pas que vous êtes assez smart ou plus smart que les autres à pas affronter telle ou telle chose. Quand tu es invité, c'est parce que tu as à le vivre. Moi, quand je t'ai invité sérieusement à faire quelque chose, je le fais. Et voilà.